Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita, votre rendez-vous hebdomadaire. Ce soir, on commence avec une nouveauté en provenance d'Allemagne, le Sen Project, un projet du multi-instrumentiste allemand Chris Engels, qui est particulièrement inspiré cette année puisque c'est le quatrième album proposé. Il y a eu Tales from Avalon en mars 2023, Human en septembre, Pride en mai, et maintenant, en décembre, Dark Clouds. Et puis, on aura aussi un extrait du prochain album de Big Big Train, qui doit être lancé le 1er mars 2024 sous le titre de Likes of Us. Et on aura aussi d'Italie, Aurora Lunare, un nouvel album pour cette formation italienne. Le titre, c'est Terzo Luogo. On va voir la pièce titre. Et après, Marc, on passe du côté de la Norvège. Oui, certainement, avec l'excellente formation Chorcha et leur plus récent album tout aussi excellent, Saligette, qui est paru au début octobre de cette année. C'est leur septième album et probablement leur meilleur jusqu'à maintenant. On aura pour vous la courte pièce d'ouverture de cet album. Pour savoir le titre des pièces qu'on fait jouer, on vous invite à consulter notre site web www.terraincognita.québec dans la section radio, où vous pouvez accéder au contenu d'émission et également au podcast. Ce sera suivi de la formation Aqua Fragile, formation italienne fondée en 1971. Ils s'étaient séparés en 1975, ont repris du service au début des années 2000, ont fait paraître un album en 2017 et nous arrivent avec un nouvel album, donc quatrième album studio en carrière, qui a pour titre Moving Fragments. Il y a évidemment Bernardo Lanzetti qui est au chant et à la guitare, et on a également plusieurs invités sur cet album. David Jackson, ex Van der Graaf Generator, sur une pièce. On a également Gigi Cavalli-Cocci à la batterie sur deux pièces, dont celle qu'on va entendre ce soir, la pièce Her Shadow's Torture. Et comme vous le disait Michel, on débute le bloc musical ce soir avec la nouveauté de Sen Project. From a long time, life's tale. The commons, a story of change, of growing, all from old songs, a shared genesis, shared conflict, their wife, as paradox persists. Unity.

she goes. True mystic, smell of a rose. Air stand still, shy of storm. Her figure now, pure beauty performs. Terra Incognita se poursuit avec la formation américaine French TV qui nous a présenté récemment un 14e album studio, une formation qui évolue entre le R.I.O., le Canterbury, le jazz rock. Et ce soir, on vous présente un nouvel extrait de l'album A Ghastly State of Affairs. Et puis d'Italie, on aura une nouveauté du groupe Sindone, un album qui a pour titre Dirty 30. Le groupe y revisite des pièces de ses albums précédents, comme par exemple Inca, Spleen, Mela Pesante, et on y retrouve aussi du nouveau matériel. Et par la suite, Marc, on a droit à deux nouveaux singles, ou si on préfère, simples en français. Oui, en effet, on aura la formation britannique The Room, qui vient tout juste de faire paraître un simple qui s'intitule Vanished for Eric. Alors, c'est une pièce qui est en l'honneur de Eric Gillette, qui a participé, entre autres, aux formations Nine Skies, Solace Supplice, The Room et plus récemment Imaginarium, l'album concept The Rise of Medici qui était paru le 30 septembre. Alors, Éric Brouillette, qui est maintenant décédé, est un excellent guitariste, donc on peut l'entendre sur cette pièce-là avec toutes les pièces de guitare, incluant le solo, et également au violon. Également, on aura une formation québécoise qui a pour nom In Silva. In Silva est composé, entre autres, de Will Régnier, qu'on a pu voir à la batterie avec le groupe House, ou Huit. Et c'est son nouveau projet réalisé avec son ami Thomas Polichuk. Les deux formations qu'on a pu voir dans le cadre du Festival Terra Incognita dans les dernières années. Alors, ils ont présenté deux simples jusqu'à maintenant. Il y en aura deux autres le 26 janvier et le 1er mars, juste avant la sortie de leur premier album, le 5 avril 2024. Il y aura un spectacle de lancement à Montréal et éventuellement un spectacle à Québec. Alors, de la formation In Silva, on aura la pièce Honest. Également, prenez note que dans les deux prochaines semaines, on aura deux émissions spéciales, rétrospective 2023, c'est à ne pas manquer, les 23 et 30 décembre. Et pour débuter le bloc musical, comme vous le disait Michel, on débute avec la formation italienne Sindone. Angel, one more time. Looking blindly out of touch, I see those who spend their light getting foolish, buying lies. If you reach their own, I guess. De retour à l'émission Terra Incognita avec Michel Bilodeau et Marc Chaunet. Alors dans le prochain bloc musical, on aura entre autres une formation italienne qui a pour nom Homunculus Res, formée à Palerme en 2013 et viennent de faire paraître cette année leur cinquième album intitulé Echo l'Impero dei Doppi Sensi, et c'est un de leurs meilleurs albums jusqu'à maintenant. Alors pour vous, on aura la pièce Pentagono. On aura également l'artiste britannique, compositeur-interprète Peter Hamill, fondateur de Vandergraaf Generator, qui vient de faire paraître un album double CD intitulé In a Foreign Town et Out of Water. Donc, ce sont deux albums parus respectivement en 1988 et 1990 qu'il a entièrement réenregistré. Alors, pour vous ce soir, on aura la pièce M-Lock, qui est la pièce d'ouverture de In a Foreign Town. Et pour débuter le bloc musical, Michel, on y va du côté de la Grèce avec une excellente formation. Oui, Residuos Mentales qui nous est arrivé cette année avec un second album et je dois dire que c'est une excellente surprise. L'album a pour titre Temporary State of Bliss. Ça devrait figurer parmi mes albums préférés de 2023 et on va voir la pièce The Stuff of Dreams. Thank you. up on the screen. Propaganda of the military-industrial machine. And by now, we find there's little choice. When our masters tell us smile, we rejoice. With the nuclear shield safely in place, we're assured of the survival of the human race. The earth is flat, and pigs can fly. Swallow hard and believe the lies. In these alleys, all are blind. Skittles fall for the dreams of humankind. A nuclear power is safe as hell. Swallow hard, young William Tell. The earth is flat. Pigs can fly. If you swallow hard, you'll believe the lies. If you swallow hard, you'll believe the lies. There's no profit in lending the third world aid. If the larder shelves are bare, let the people eat cake and thank the governments for the air. Meanwhile in the cells, secret police champion freedom, offer justice, keep the peace. Swallow hard and believe it true. The earth is flat and pigs can fly. If you swallow hard, you'll believe the lies. You'll believe the lies. Dans le prochain bloc musical, on aura la formation française Alco Frisbass, qui propose un rock progressif instrumental. On aura ici un extrait de leur plus récent album, Le Mystère du Gué Pucelle, avec la pièce-titre. Et pour débuter le bloc musical, Michel, on y va du côté de l'Italie avec un excellent chanteur et musicien. Oui, on parle de Alessandro Corvaglia, le grand chanteur italien, une des grandes voix du prog italien contemporain, et c'est un extrait de son premier album solo qui a pour titre Out of the Gate, et ça va être la pièce White Ghost. Incidemment, un chanteur qu'on a eu l'honneur et le plaisir de recevoir en mai dernier dans le cadre de la 16e édition du Festival Terra Incognita avec ses complices de la Maschera di Cera. Et je dois dire que, personnellement, c'est un des meilleurs spectacles auxquels j'ai assisté de toute ma vie et j'en conserve un souvenir impérissable. On y va donc avec White Ghost. We'll be right back. vous parlais tout à l'heure du chanteur italien Alessandro Corvaglia, eh bien, on va vous laisser ce soir avec un de ses amis et complices, Luca Scherani, et ça va être un extrait de l'album Everybody's Waiting, paru en 2012. C'était Marc Chonnet et Michel Bilodeau avec vous depuis 21h. Merci d'avoir été des nôtres. Et revenez-nous la semaine prochaine pour notre première partie du survol discographique de l'année 2023. L'autoroute suit dans quelques instants et on vous souhaite une excellente nuit à l'écoute de CKRL.